un sourire. Et la nuit sera belle, car dans ma boîte à rêves habite maintenant un radieux sourire qui, au printemps naissant, fait fleurir les désirs pour étancher la soif, tel en l'arbre la sève. Sur ton visage gai, dans ces traits qui remontent, le long des jours rosis par le plaisir de vivre qui fait briller tes yeux comme s'ils étaient ivres, je capte une foi neuve et ma peur je surmonte. Si tu n'étais pas là, mon aimé, douce amante, solide quand le sort s'acharne contre nous, il me semble que seul je serais presque fou face à l'absurdité de cette ère démente. Rayonnante, ta joie m'envahit calmement et je reste confiante à l'heure où tout bascule. Toi seul es mon secours en ces temps ridicules quand ta belle frimousse me fixe tendrement.